Bonjour. Bonjour. Bonjour. Radio Zine, c'est aussi un couloir dans lequel les gens passent et nous saluent. D'un air très interrogateur. Oui. Merci Antoine pour cette reprise de l'œuvre de Jérémy, lui-même ayant repris une œuvre dont je ne connais pas le nom, mais c'était vraiment trop beau, merci. Tout de suite, le récap de la veille, réalisé par Seth. C'était donc hier soir à Archipel, et puis Marie Janson et Denis Schuller vont nous rejoindre pour une petite interview. À toutes! Qui le prend, tu vois. Mais ça, c'est aussi, ça te donne un peu plus de courage pour essayer les appareils après. C'est... Oh, parfait. S'il nous faut du courage. Alors. Du confiance, ça. C'est des vieux trucs. Ça fait quoi? Vous en ressentez quoi? T'inquiète, chute. Ah, ok. Bah, des sensations assez agréables. Voilà. Parce que moi, ce que j'ai essayé, c'était pas agréable. Hein. Ça m'a fait mal. Pareil, je trouve pas très agréable. Toi non plus. Ouais, non. Bah, avant, on sentait rien. Et puis maintenant qu'on a augmenté la fréquence, ou je sais pas comment appeler ça, ça pince un peu. Ça, je sais pas, ça faisait la même sensation sur toi. Si. Ouais. Comme si je me faisais piquer, mais hyper rapidement. Ouais, exactement. Ouais. Comme si tu te faisais piquer à répétition, comme ça, par un petit moustique. Un petit moustique. Ouais, c'est la thérapie. Ouais. Merci. Par le mal. Ouais, ça ressemble un peu peut-être à de l'acupuncture, en fait. Je me demande, j'ai jamais fait d'acupuncture. T'as déjà fait de la compunction? On a le droit de t'interviewer aussi. Ouais, te poser des questions. Ouais. C'est vrai, écoute. Mais vu de l'extérieur, c'est plus impressionnant en fait. Que. Ouais, tu veux essayer? Oui, grave. Merci. Je peux tenir ce micro si tu veux. Ah. J'arrive sur là. Ça me fait peur. Ah oui, là, ça va, ça fait pas grand chose. Hein. On dirait un peu qu'on se rase quoi, aujourd'hui. Ouais. Vous avez monté la puissance ou... Oui. Tu peux régler là, c'est pas au max. Ouais. C'est pas au max. Ah oui. Alors. Ouais, c'est max. Bah, en fait, je pense qu'il faut être vraiment dans un environnement vraiment plus zen quoi. Ouais. Après, avec le côté peine, moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était un côté relaxant, tu vois. Peut-être pas avec celui-là, je sais pas, mais. Ah, c'est trop relaxant. Attends, je sais pas trop ce que c'est censé être. C'est pas ce qui relaxe en fait. Mais t'as ça aussi comme un bout. Ah ouais, d'accord. Passer dans les cheveux. Est-ce que... Tu saurais me montrer ? Ah bah non, il est déjà en utilisation, je crois. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'était pas non plus convaincant. Année, on a un problème, c'est que enfin, ça fait déjà 3-4 ans qu'il y a des oies qui tournent autour du bâtiment, et dès qu'il y a du vent, il y en a de plus en plus. Alors maintenant, elles se sont passées le mot, elles savent que c'est la période, et on se retrouve avec des oies tournant autour. Donc au bar, elles sont prévenues, je veux dire les personnes qui travaillent au bar, mais Ça fait quand même 4 ans qu'il y a des oies qui tournent autour du bâtiment. Et c'est dur de les voir. Après, la plupart se baladent avec des valises ou des mallettes. Plutôt des mallettes, apparemment. Et on les aperçoit en général dans les coins, en train, juste au moment où elles partent, en sautant d'un petit muret ou en sautant d'un petit balcon. Des petites oies partout. Voilà. Et là, on a la directrice, mais qui fait mine de rien entendre. Donc, on est quand même dans un festival du son, et on a quand même la directrice qui fait la dure d'oreille avec cette histoire d'oie. Et moi, ça commence à quand même m'inquiéter un peu, parce que ça fait 4 ans quand même que je me tape des sursauts, des paniques constantes. Et je me coltine un nombre de récits quotidiens au sujet de ces oies, et j'ai juste aucun soutien de la direction. Même ça s'est développé, les choses, les enfants ont commencé à danser en même temps que les gens jouaient, les gens écoutaient. Et tu sentais qu'ils dansaient sur le... Non, ça je peux pas te dire. Ils étaient aussi dans une bulle. Du coup, voilà. Donc, c'était sympa. Ah voilà, ah, tiens, je vais me masser. Merci Marie, oui. En tout cas. Ciao.